Quatrième partie, chapitre premier, troisième section. Le caractère imprimé par certains sacrements. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois? Les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une fois sont au nombre de trois. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Pourquoi ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent-ils être reçus qu'une fois? Ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'ordre, ne peuvent être reçus qu'une fois parce qu'ils impriment un caractère. Qu'est-ce que le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements? Le caractère imprimé dans l'âme par chacun de ces trois sacrements est un signe spirituel qui ne peut plus s'effacer. À quoi sert le caractère qui imprime dans l'âme ces trois sacrements? Le caractère qui imprime dans l'âme ces trois sacrements sert à nous marquer dans le baptême comme membres de Jésus-Christ, dans la confirmation comme ses soldats, dans l'ordre comme ses ministres.